Harcelé, insulté, ne me dis pas que tu vas te laisser faire. Critiqué, jugé, méprisé comme une prison dans ta maison docile. Ne me dis pas que tu vas te laisser faire. Demande à l'aide, ma belle, on viendra de suite t'aider. Si les keufs ne viennent pas, bah on viendra. On ne veut plus voir des taches de sang sur tes draps. Tu te fais tout le temps battre parce que ton copain boit. Il est temps qu'on intervienne, qui d'autre le fera pour toi.